femmes auberges de fortune. Mélanger nos traces, croiser nos chemins, traverser tant d'espace sans fin. Et on a laissé s'envoler nos premières années sans jamais pouvoir retenir le temps qui s'affolait. On s'est tant donné à la vie pour ne rien regretter. Le temps les a rendus si belles nos premières années. Et on s'est fait avoir par les mêmes escrocs, épousant corps et âme leurs idéaux. On a marché sans fin, défendu nos rêves, ces richesses que le temps nous enlève. Et on a laissé s'envoler nos premières années sans jamais pouvoir retenir le temps qui s'affolait. On s'est tant donné à la vie pour ne rien regretter. Le temps les a rendus si belles nos premières années. C'est pas un...